Soudain, il reçut comme un coup de couteau. On s'embrassait, là, derrière ce buisson. Il y courut. C'était un couple d'amoureux, dont les deux silhouettes s'éloignèrent vivement à son approche, enlacées, unies dans un baiser sans fin. Il n'osait pas appeler, sachant bien qu'elle ne répondrait point. Il avait aussi une peur affreuse de les découvrir tout à coup. Les ritournelles des quadrilles avaient les solos déchirants du piston, les rires faux de la flûte, les rages aiguës du violon lui tiraillaient le cœur, exaspérant sa souffrance. La musique enragée, boitillante, courait sous les arbres, tantôt affaiblie, tantôt grossie, dans un souffle passager de brise. Tout à coup, il se dit qu'elle était peut-être revenue. Oui, elle était revenue. Pourquoi pas? Il avait perdu la tête sans raison, stupidement emporté par ses terreurs, par les soupçons désordonnés qui l'envahissaient depuis quelque temps. Et, saisi par une de ces accalmies singulières qui traversent parfois les plus grands désespoirs, il retourna vers le bal. D'un coup d'œil, il parcourut la salle. Elle n'était pas là. Il fit le tour des tables et brusquement se trouva de nouveau face à face avec les trois femmes. Il avait apparemment une figure désespérée et drôle, car toutes trois, ensemble, éclatèrent de gaieté. Il se sauva, repartit dans l'île, se rua à travers les taillis, haletant. Puis il écouta de nouveau. Il écouta longtemps, car ses oreilles bourdonnaient. Mais enfin, il crut entendre un peu plus loin un petit rire perçant qu'il connaissait bien. Il s'avança tout doucement, rampant, écartant les branches, la poitrine tellement secouée par son cœur qu'il ne pouvait respirer. Deux voix murmuraient des paroles qu'il n'entendait pas encore. Puis, elles se turent. Alors, il eut une envie immense de fuir, de ne pas voir, de ne pas savoir, de se sauver pour toujours, loin de cette passion furieuse qu'il ravageait. Il allait retourner à Chatou, prendre le train, et ne reviendrait plus, ne la reverrait plus jamais. Mais son image, brusquement, l'envahit. Il l'aperçut dans sa pensée, quand elle s'éveillait au matin, dans leur lit tiède, se pressait, câline contre lui, jetant ses bras à son cou, avec ses cheveux répandus, un peu mêlés sur le front, avec ses yeux fermés encore, et ses lèvres ouvertes pour le premier baiser. Et le souvenir subi de cette caresse matinale l'emplit d'un regret frénétique et d'un désir forcené. On parlait de nouveau. Il s'approcha, courbé en deux. Puis, un léger cri courut sous les branches tout près de lui. Un cri, un petit cri d'amour qu'il avait appris à connaître aux heures éperdues de leur tendresse. Il avançait encore, toujours, comme malgré lui, attiré invinciblement, sans avoir conscience de rien. Et il les vit.